Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 21 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Clémences, ça vient du latin signifiant douceur, bonté. Quelle personnalité attachante ont ces femmes nées pour aimer, séduire, faire plaisir et répandre autour d'elles paix, harmonie et beauté. L'équilibre filtre au travers de leur attitude ainsi qu'une impression de calme et de douceur. Soucieuses de plaire, les Clémences sont prêtes à fournir beaucoup d'efforts pour être aimée. Aussi se montre-t-elle agréable, serviable, conciliante et affectueuse et soigne-t-elle leur apparence physique non sans une petite pointe de coquetterie. Elles savent prendre des responsabilités et se montrent perfectionnistes et méticuleuses dans leur entreprise. D'une nature scrupuleuse, elles se trouvent facilement des obligations ou des contraintes familiales et parfois professionnelles. Un excès de lettres de valeur 3 dans leur prénom favorise la communication, la sociabilité et peut-être à l'origine de talents créatifs. Elles sont très perméables à l'atmosphère dans laquelle elles évoluent. Elles sont intuitives, réceptives et sensitives. Leur émotivité ainsi que leur imagination sont également développées et il leur arrive fréquemment de s'évader dans des rêveries plus ou moins chimériques pour fuir les dures réalités de la vie. Dicton du jour à la Sainte Clémence, les moutons prennent du thon. T-O-N, pour thon, hein, je précise. Célébration internationale, alors accrochez-vous, on a beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui. Tout d'abord, c'est la journée internationale des forêts, décrétée en 1970 par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Journée mondiale de la poésie, décidée par la Conférence Générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture en 1999. Journée mondiale de la trisomie 21 reconnue par l'OMS, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, journée mondiale de la marionnette créée en 2003 par l'UNIMA, l'Union internationale de la marionnette. En Afrique du Sud, c'est la journée des droits de l'homme. En Algérie, Lesotho, Pays-Bas et Portugal, c'est la journée nationale de l'arbre. En Australie, c'est la journée de l'harmonie pour le rassemblement de la culture aborigène avec les autres cultures présentes en Australie. En Namibie, c'est la fête d'indépendance fête nationale commémorant son accession à l'indépendance vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Et en Tunisie, c'est la fête de la jeunesse. Et dans les événements qui se sont déroulés un 21 mars en 1961 au Cavern Club de Liverpool, avait lieu le premier spectacle des Beatles. En 1963, c'était la fermeture de la célèbre prison d'Alcatraz. En 1990, c'était l'indépendance de la Namibie. En 1994, la 66e remise des Oscars marquait le triomphe de Steven Spielberg, dont le film La Liste de Schindler avait remporté 7 statuettes, incluant celle pour le meilleur film et le meilleur réalisateur, tandis que Jurassic Park en récoltait 3. Et en 2006, c'était le lancement d'un réseau social appelé Twitter. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec les Supertramp et leur titre Breakfast in America. Seem to get along. What she got? Not alone. Supertramp sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 21 mars 1946, naissance de Timothy Dalton, acteur britannique connu pour avoir été l'interprète de James Bond à deux reprises dans les années 80, dans Tuer n'est pas joué et Permis de tuer, vu également dans Les Hauts de Hurlevent dans le rôle d'Heathcliff, les Looney Tunes passent à l'action, The Tourist ou encore la série télé Chuck dans le rôle d'Alexei Volkov. 1950, naissance de Roger Hodgson, chanteur musicien britannique qui fut membre du groupe Supertramp, et c'est notamment grâce à lui qu'on doit le titre et bien qu'on vient d'écouter en Breakfast in America et bien d'autres. 1952, naissance de Christophe Malavoy, acteur français vu dans Ma femme s'appelle Revient, La femme de ma vie, Madame Bovary, à la télé dans Clara Scheller, la saga Laura dans le rôle de Max Fontane, le téléfilm De feu et de glace dans le rôle de Jacques Rocaille ou encore Camping Paradis. 1958, naissance de Gary Oldman, acteur américain vu dans JFK dans le rôle de Lee Harvey Oswald, dans Dracula dans le rôle du comte Dracula, dans Léon, Meurtre à Alcatraz, Le cinquième élément, Hannibal, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du phénix, ainsi que Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, dans le rôle de Sirius Black. Il a interprété le rôle du commissaire James Gordon dans Batman Begins, The Dark Knight, le Chevalier Noir et The Dark Knight Rises, vu également dans La planète des singes, L'affrontement, Les heures sombres dans le rôle de Winston Churchill, rôle qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur acteur. C'est également l'année de naissance de Luc Bernard, acteur français, vu au cinéma dans Léon ou encore Japlou, et dans les séries télé Centrale Nuit, où il interprétait le rôle du commissaire Bragance de l'IGS, et la série Léa Parker dans le rôle de Maximilien Plastron. 1962, naissance de Matthew Broderick, acteur américain vu dans War Games, Godzilla ou encore Happy New Year. C'est également l'année de naissance de Rosie O'Donnell, actrice humoriste américaine vue dans La famille Pierre à feu dans le rôle de Betty Rubble, la série télé Nip Tuck dans les saisons 4 et 5 dans le rôle de Dawn Budge ou encore Drop Dead Diva dans le rôle du Juge Summers. 1974, naissance de Laura Allen, actrice américaine vue dans la série télé Les 4400 dans le rôle de Lily Moore Tyler, Grey's Anatomy ou encore NCIS Nouvelle-Orléans. 1980, naissance de Derek Whibley, chanteur du groupe Sum 41. 1981, naissance de Pauline Lefebvre, animatrice télé française. 1985, naissance de Sonéka Martin-Green, actrice américaine vue dans la série American Wives, The Good Wife dans le rôle de Courtney Wells, Gossip Girl, Once Upon a Time ou encore The Walking Dead dans le rôle de Sasha Williams. 1991, naissance d'Antoine Griezmann, footballeur international français, professionnel depuis 2009. De 2009 à 2014, il a joué pour le club du Real Sociedad. Depuis 2014, il joue pour l'Atlético de Madrid, club avec lequel il a fait une finale de Ligue des Champions, qui a remporté la Ligue Europa dans la saison 2017-2018 en marquant deux buts en finale, hein, face à l'Olympique de Marseille. C'était en mai 2018. En équipe de France, il s'est distingué lors de l'Euro 2016, hein, dont il fut le meilleur buteur avec 6 buts et le meilleur joueur malgré la défaite en finale, hein, face au Portugal. On s'en souvient. Champion du monde en 2018 en étant élu homme du match de la finale remporté par la France, hein, 4 buts à 2 face à la Croatie. C'était en juillet dernier à Moscou, on s'en souvient aussi, où il est directement impliqué dans 3 des 4 buts français. Auteur de 4 buts durant le tournoi, il est désigné par la FIFA 3e meilleur joueur de la compétition. Et pour le Ballon d'Or, il a été classé 3e en 2016 et en 2018. 1995, naissance de Canel Carré-Cassaigne, actrice française, connue pour son rôle de Charlotte Lepic dans la série télé Fais pas ci, fais pas ça, vue également dans Camping Paradis ou encore Alice Nevers, Le juge est une femme. Et en 1997, c'était la naissance de Martina Stossel, actrice chanteuse danseuse argentine, connue pour son rôle de Violeta Castillo dans la série télé Violeta. Et nous, tout de suite, on écoute les Sum 41 avec leur titre Still Waiting. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. We just need some motivation. These eyes have seen no conviction. intitulé Sum 41 sur le 107 FM. Il est presque 8h44, on fait un point météo. La météo. Très belle journée ensoleillée. Au programme d'aujourd'hui, des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin, entre 12 et 14 degrés, voire peut-être même 15 degrés pour cet après-midi. Vendredi et samedi seront des journées ensoleillées, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés pour demain matin, entre 15 et 17 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin et entre 14 et 16 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file vers l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec du tennis et le tournoi de Miami. Bon, faut arriver à suivre entre les matchs qui se jouent, qui sont suspendus ou encore qui sont reportés. Alors, côté féminin, noté hier la qualification de Pauline Parmentier en 3-7 face à Gasparian, 4-6, 6-1, 7-6. Le match entre Alizé Cornet et Lapko a été suspendu. Il reprendra aujourd'hui. Il y aura également Mladenovic face à Wang et Garcia opposé à Azarenka. Côté messieurs, à noter la défaite de Joe Wilfried Tsonga en 2-7 face à Cuevas, 6-4, 6-4. Le match entre Jérémy Chardy et Jarry a été reporté. Il devrait jouer aujourd'hui. Tout comme Benoît Paire face à Lopez, Pierre Gerber face à Krajinovic, Hugo Humbert face à McDonald et Adrian Manarino opposé à Bedene. Alors, est-ce que tous les matchs auront lieu ? Ça, c'est la question. Réponse demain. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de la Ligue Magnus. Hier soir, c'était le match numéro 4 et Grenoble s'est imposé 4-2 à Amiens. Grenoble est donc qualifié pour la finale. C'est le premier club à être qualifié et Grenoble aura remporté sa demi-finale 4-0. Qui pour arrêter Grenoble ? Peut-être Rouen ? Peut-être Gap ? Il va encore falloir attendre puisque Gap s'est imposé hier soir 4-3 face à Rouen. Donc Rouen mène la série 3-1. On aura besoin donc minimum d'un match numéro 5 qui aura lieu vendredi soir à Rouen. Un mois de basket avec les résultats de NBA où l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier très en forme cette nuit, meilleur marqueur d'ailleurs de cette rencontre avec 22 points, donc s'est imposé 119-96 face à l'équipe de Nouvelle-Orléans. L'équipe de Boston de Yabusele qui n'a encore pas joué s'est inclinée face à Philadelphie. L'Utah Jazz de Rudy Gobert à 18 points et 9 rebonds s'est imposé face à l'équipe de New York de Tilikina, absent toujours pour blessure, 116-137. Les Chicago Bulls de Luao Cabarro se sont imposés après prolongation 126-120 face à l'équipe de Washington, 13 points pour le français. Et enfin, l'équipe de Memphis de Joachim Noah, 9 points, 8 rebonds, s'est imposée après prolongation 126-125 face à l'équipe de Houston. Un mot de football féminin avec la Ligue des Champions et le quart de finale. Allez, les Lyonnaises se sont imposées 2-1 face aux Allemandes de Wolfsburg. Voilà, espérons que le but allemand ne comptera pas trop pour le match retour et que les Françaises arriveront à s'imposer en Allemagne. On va croiser les doigts pour les Lyonnaises. On termine avec du biathlon et ça y est, aujourd'hui débute la dernière étape de Coupe du Monde, c'est à Oslo. Magnifique site, magnifique vue personnellement. Je crois que c'est mon site préféré dans tous les sites de cette Coupe du Monde de biathlon. On a vraiment une vue splendide. Et donc aujourd'hui, on commence avec le sprint dames, départ 16h30 et un classement féminin très serré. On ne sait encore pas qui va remporter le classement général, tout le contraire des hommes, puisqu'on sait déjà que Johannes Bø va remporter le gros globe de cristal. Bon, après, pour les dauphins côté messieurs, on ne sait pas, puisqu'un Français pourrait bien terminer à la deuxième place de ce classement général. Mais côté féminin, voilà, c'est très serré. La bataille est rude entre deux amies, deux coéquipières, les Italiennes Lisa Vitozzi et Dorothea Wierer. Et il ne faut pas oublier non plus la troisième qui n'est pas très très loin non plus. Donc voilà, du suspense comme on l'aime. Allez, rendez-vous à 16h30 pour les fans de biathlon. Allez, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec Gauvin Serre et son titre « Les oubliés ».